Et voilà maintenant une bourrée que mon grand-père a joué longtemps et qui a été reprise ensuite par mon père avec un arrangement. La bourrée à la donne. Une autre bourrée qui sort de la famille.